mon inconscient parfois il se perd, il se formate. J'écris des vers, des rêves, c'est raide, gros c'est la guerre, c'est Fortnite. J'ai rêvé de bonheur après 15 piges de faillite. À croire que dormir me fatigue, j'ai pas l'inspi infaillible. J'ai rêvé de rendre heureuse la femme que j'aime. À la figure, le mal se gêne dans la piture, la flamme se gêne. J'ai rêvé de cette daronne qui trime au taf, brûlée vive dans son appart d'un mari pyromane. J'ai rêvé de la guerre, celle-ci était imminente. Les présidents s'assièrent, oui s'assièrent pour parler de dividendes. J'ai rêvé de culture, qu'on avait tous une grosse palette. Qu'un plaque tire une balle à ce bâtard brosse par net. J'ai rêvé que j'avais 8 ans, ce genre de rêve qu'on fait trop tard. Que ma daronne me défonçait avec un fléau d'armes. J'ai rêvé de la paresse, de ma disserte, toi la sassaigne. De la tristesse, de la disquette, de l'assassin. De l'or dans les mains, de la merde dans la malle. À force de cauchemarder, ouais je me suis blotti dans le son. J'ai rêvé que ça allait bien, j'ai rêvé que ça allait mal. J'ai rêvé que j'étais bloqué dans une autre dimension. De l'or dans les mains, de la merde dans la malle. À force de cauchemarder, ouais je me suis blotti dans le son. J'ai rêvé que ça allait bien, rêvé que ça allait mal. J'ai rêvé que j'étais bloqué dans une autre dimension. J'ai rêvé de gros bordels quand le calme passe s'effondre. Que l'Elysée est l'hôtel parfait pour se faire baiser le fion. J'ai rêvé d'être seul et quand t'es seul les gens t'ignorent. J'ai rêvé de grosses bagarres et d'un chien qui mord. D'un pays libre de tristes tubes, de bises de thunes. D'un tas de gosses trop mafiolés par des fils de pute. J'ai rêvé de la Syrie, une ambiance palpable de glace. Tout ça à cause d'un pipeline de gaz. D'enfants sous les bombes, de parents sous les ponts. De gamines souillées sur les fronts, des saoulées sur les tombes. J'ai rêvé que j'essayais de me débattre dans la perte. J'étais suivi, ça s'est fini d'une balle dans la tête. J'ai rêvé que mon daron trompait ses proches. Que Fianso pompait mes prods, que les galons comblaient mes poches. Bah ouais. J'ai rêvé de Saint-Émilion en palpant frère. Qu'on pétait le million en rappant vrai. De l'or dans les mains, de la merde dans la malle. À force de cauchemarder, ouais je me suis blotti dans le son. J'ai rêvé que ça allait bien, j'ai rêvé que ça allait mal. J'ai rêvé que j'étais bloqué dans une autre dimension. De l'or dans les mains, de la merde dans la malle. À force de cauchemarder, ouais je me suis blotti dans le son. J'ai rêvé que ça allait bien, rêvé que ça allait mal. J'ai rêvé que j'étais bloqué dans une autre dimension. De l'or dans les mains, de la merde dans la malle. À force de cauchemarder, ouais je me suis blotti dans le son. J'ai rêvé que ça allait bien, rêvé que ça allait mal. J'ai rêvé que j'étais bloqué dans une autre dimension.